Puis elle parut elle-même au bout du perron. Et comme elle descendait les marches, il aperçut son pied. Elle avait des petites chaussures découvertes, en peau mordorée, avec trois pattes transversales, ce qui dessinait sur ses bas un grillage d'or. Les invités arrivèrent. Sauf Maître le Faucheur, avocat, c'étaient les convives du jeudi. Chacun avait apporté quelques cadeaux. Dites-moi, une écharpe syrienne, Rosenwald, un album de romance, Burieux, une aquarelle, Sombaz, sa propre caricature, et Pellerin, un fusain, représentant une espèce de danse macabre, hideuse fantaisie d'une exécution médiocre. Hussonnet s'était dispensé de tout présent. Frédéric attendit après les autres pour offrir le sien. Elle la remercia beaucoup. Alors il dit « Mais c'est presque une dette. J'ai été si fâché. »« De quoi donc ? » reprit-elle. « Je ne comprends pas. »« À table !» fit Arnoux, en le saisissant par le bras, puis dans l'oreille. « Vous n'êtes guère malin, vous. » Rien n'était plaisant comme la salle à manger, peinte d'une couleur vert d'eau. À l'un des bouts, une nymphe de pierre trempait son orteil dans un bassin en forme de coquille. Par les fenêtres ouvertes, on apercevait tout le jardin, avec la longue pelouse que flanquait un vieux pin d'Écosse au trois quarts dépouillé. Des massifs de fleurs la bombaient inégalement, et, au-delà du fleuve, se développaient, en large demi-cercle, le bois de Boulogne, Neuilly, Sèvres, Meudon. Devant la grille, en face, un canot à la voile prenait des bordées.